La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Ludwig Wittgenstein ou la philosophie de l'indicible. Né à Vienne en 1889, mort à Cambridge en 1951, Ludwig Wittgenstein eut une vie tourmentée, marquée de surcroît par une exigence éthique peu commune. Ses écrits théoriques, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le Tractatus Logico-Philosophicus, avec sa fameuse proposition « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire », exigent une approche tout autre que celle des philosophes académiques. La beauté abstraite du style, simple et ramassé, l'énergie morale, le courage, l'exigence, la tension que l'on sent dans chaque phrase, demandent qu'on les aborde comme on aborderait ceux d'un poète ou d'un mystique. Ce philosophe singulier dit un jour à ses étudiants « Toutes les bonnes doctrines sont inutiles, vous devez changer votre vie ». Qui fut donc Wittgenstein? Que pensait-il au juste? Doit-on considérer que sa vie, originale elle aussi, fait partie de son œuvre? Pour discuter de ces questions, j'ai invité Christiane Chauviré, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste entre autres de Wittgenstein et vous publiez un livre Ludwig Wittgenstein. Et ma première question concernera votre première rencontre avec Wittgenstein. C'est un auteur dont on dit qu'il est difficile à lire. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré ses textes? Oui, je me souviens très bien, c'était en 1965, j'ai lu le Tractatus à la bibliothèque de l'école normale et je n'y ai rien compris, ce qui est, paraît-il, normal. Les autres gens ont eu la même réaction que moi. Et puis, les années ont passé, j'ai consulté les travaux de Bouvresse notamment et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait... qu'il valait mieux aborder Wittgenstein par le biais de sa seconde philosophie, qui est une sorte de correction de la première, une correction du Tractatus, dans les recherches philosophiques. Un ouvrage qui a été publié seulement après la mort de Wittgenstein, mais qui a été écrit dans les années 40, en gros pendant la guerre. Mais comment est-ce qu'on peut lire un livre auquel on ne comprend rien ? Alors après, j'ai accumulé pas mal de lectures et je me suis aperçue que le Tractatus se comprenait très bien si on connaît l'arrière-plan des recherches logico-philosophiques de la fin du 19e, du début du 20e et notamment l'œuvre de Frege, l'œuvre de Russell. C'est à partir de là que Ludwig a commencé à réfléchir sur les fondements des mathématiques. Et a commencé en allant étudier avec Russell à Cambridge, avant la guerre de 14. Il a commencé à se former un système qui réponde aux interrogations de Frege et de Russell, et même en un sens, ce livre est un double parricide, puisque ça réfute Frege et ça réfute Russell. Mais est-ce qu'à l'époque, on connaissait bien la vie de Wittgenstein? Comment est-ce qu'il était... Non, parce que en fait, à l'époque, enfin dans les années 60 et même jusqu'à récemment, il y a eu la terrible Elisabeth Anscombe, sa disciple, qui ne voulait absolument pas qu'on parle de la vie privée de Wittgenstein. Et elle avait été... Il y avait toutes sortes de choses qui lui paraissaient embarrassantes, parce que c'était une catholique fervente, et qui aujourd'hui n'embarrasse plus personne. L'homosexualité, les origines juives, tout ça passe très bien aujourd'hui, mais dans les années 60, c'était un peu dur. Est-ce qu'il est important de connaître sa vie pour comprendre son œuvre? Oui. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots sur notamment sa famille? Oui, alors la famille était tout à fait extraordinaire, puisque c'était des gens richissimes. Le père était un self-made man et il était devenu le roi de l'industrie en Autriche, l'égal de Krupp ou de Carnegie. Et tous ces gens étaient musicalement surdoués. En particulier le frère de Ludwig qui s'appelait Paul. Il y avait 7 enfants, c'est ça ? Il y avait 8 enfants. 8 enfants. 3 des garçons se sont suicidés. Et donc, Et il restait donc Ludwig et Paul comme garçons. Et Paul était surdoué en musique. Il a eu une activité de concertiste international qui a eu beaucoup de succès, en dépit ou à cause de son absence de bras droit, qui avait disparu pendant la guerre de 14, et donc il a déployé une farouche énergie, exactement comme Ludwig déployait une farouche énergie dans la résolution des problèmes posés par Frege Russell, dans l'écoute de certains morceaux de musique. Il faisait toujours réagir très très vivement. Toute la famille était très très à la fois très experte, presque virtuose. Certains étaient virtuoses au piano et pas seulement Paul. Et ils étaient hyper sensibles à la façon dont une pièce de musique avait été jouée. Un des frères de Ludwig qui s'est suicidé écrivait, composait depuis l'âge de 4 ans. C'est celui qui s'est suicidé parce que son père ne voulait pas qu'il devienne musicien professionnel. Voilà, c'est ça, c'est Hans. Le premier, l'aîné. Oui, je crois que c'était l'aîné. Et comment est-ce qu'on explique cette vague de suicides dans la même famille? Il y a eu beaucoup de suicides en Autriche d'ailleurs à cette époque-là. Oui, il y a eu les suicides qui ont précédé la guerre et puis ceux qui ont été favorisés par la guerre en quelque sorte. Alors j'ai lu aussi que Wittgenstein suivait le corbillard de Weininger. Oui, qui s'était lui-même suicidé à 21 ans ou 23 ans en 1903, donc il avait 14 ans. Oui. Et il connaissait ce livre de Weininger qui s'appelle Sexe et caractère. Voilà, un livre tout à fait sulfureux. Qu'il a profondément marqué et où il était dit que le suicide était le mal absolu, ce qui n'a pas empêché Weininger de se suicider. Alors, on parlait du Tractatus, qui est une suite d'aphorismes. Oui. Qu'est-ce que l'aphorisme apporte à la pensée? L'aphorisme est une concentration de la pensée et une concentration stylistique. C'est un genre littéraire en Autriche au début du XXe siècle. Il y a une école d'auteurs d'aphorismes viennois, enfin bien connue des Autrichiens, moins connue en France. Et très souvent, ces aphorismes sont des aphorismes philosophiques. Alors j'ai trouvé une citation, je ne sais plus de qui elle est, si c'est de Wittgenstein lui-même ou bien de Karl Kraus. Un aphorisme n'a pas besoin d'être vrai, mais il doit survoler la vérité, il doit la dépasser d'un trait. Ah oui, je crois que c'est Kraus. Et une autre de Kraus, alors celle-là j'en suis plus sûr, il dit « Écrire un feuilleton consiste à faire des boucles sur une calvitie ». Ah oui, tout à fait, c'est Kraus qui était un grand pourfendeur des médias, notamment de la façon dont les médias avaient couvert la guerre de 14 avec déjà des problèmes de fake news, en quelque sorte. Et donc, Ludwig était très très attaché aux écrits de Kraus. Alors, il y a la guerre qui arrive, vous en parliez à l'instant. Wittgenstein pourrait ne pas faire la guerre, mais il décide de s'engager. Oui, absolument. Il était dispensé et il s'est engagé quand même comme simple soldat, alors qu'il aurait pu devenir officier, puisqu'il était ingénieur au départ. Et donc, il a vu le pire côté. Il était sur le front russe, il a vu le pire côté de la guerre. Il a peut-être pas autant souffert que les poilus, hein. Chez nous, mais quand même, en tout cas, il a été couvert de médailles. Parce qu'on comprend pourquoi il s'est engagé, c'était par nationalisme. Alors, non, oui, enfin, c'est vrai qu'il était très patriote et sa famille était très patriote. Mais c'est surtout pour devenir une sorte de saint ou de héros, pour parfaire son éducation morale en affrontant la mort délibérément. Et il se faisait toujours envoyer sur des situations très très dangereuses. Il n'a pas été blessé? Rien du tout. C'est Paul qui a été blessé. Et l'un de ses frères s'est suicidé lorsqu'il a été fait prisonnier. Voilà, c'est ça. C'est du moins une chose qu'on suppose, puisqu'il n'est pas revenu pour nous dire pourquoi il s'était suicidé. C'était sur la fin de la guerre, l'armistice était en train d'être signé, et il s'est suicidé à la tête de ses troupes. Et Wittgenstein lui-même, là on parle de Ludwig, a été fait prisonnier, l'un des derniers prisonniers voilà, de la guerre. Voilà, il a été prisonnier 2 jours après la signature de l'armistice. Et il est resté 1 an prisonnier dans un camp en Italie. Et c'est pendant la guerre, donc, pas dans les tranchées, mais dans des conditions quand même inconfortables, qu'il a écrit le Tractatus. Voilà. Peut comprendre comment ça peut se passer, une telle aventure intellectuelle dans des conditions aussi terribles? Je pense que c'était C'était très difficile de se concentrer pour écrire, mais il trouvait des moments pour le faire. Et donc, à la fin de la guerre, il avait un premier manuscrit avec des aphorismes numérotés qu'il a retravaillé, de sorte que le Tractatus n'a été en fait publié qu'en 21-22. En fait, il voulait devenir ingénieur plutôt que philosophe, non ? Il était passionné par l'aviation ? Il s'intéressait à l'aviation, donc il était ingénieur aéronautique. C'est vrai que dès qu'il a découvert la philo, hein, d'abord à travers l'œuvre de Frege, ensuite celle de Russell, il a eu une espèce je ne dirais pas d'illumination, mais de vocation extrêmement forte qui l'a poussé à abandonner ses études d'ingénieur. Il n'était quand même pas très sûr de lui, puisqu'il a demandé à Russell, est-ce que je suis un idiot ? Oui, c'est vrai. Ou est-ce que je dois devenir ingénieur en aéronautique ? Russell lui a dit, vous n'êtes pas un idiot. Qu'il ait rendu un document quand même. Ah oui, il avait rendu un document, bien sûr. Mais oui, bien sûr, Russell a aperçu tout de suite le génie. Et il n'était pas le seul, parce que les autorités intellectuelles de Cambridge l'ont tout de suite perçu comme un génie et l'ont fait entrer dans cette société des apôtres qui regroupait l'élite des meilleurs élèves et des meilleurs professeurs de Cambridge, et qui était en même temps une confrérie homosexuelle secrète. Ah bon ? Qui a formé aussi les 5 espions de Cambridge. Christiane Chauviré, vous dites dans votre livre que le Tractatus est une philosophie d'ingénieur. Oui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, il y a un côté simple, factuel, un peu mécanique dans les exemples qu'il prend. Et ce sera surtout dans sa seconde philosophie, à partir des recherches philosophiques, qu'il donne surtout des exemples concrets. Tout à fait concret, des exemples de mécanique, souvent très simples, et on voit bien l'inspiration scientifique de Wittgenstein. Mais il y a combien de Wittgenstein ? Vous avez parlé du premier, c'est celui du Tractatus, voilà. Vous avez parlé du deuxième, mais peut-être qu'il y en a un troisième ? Oui, alors le troisième, c'est celui qui, peu de temps avant sa mort, en 50-51, celui qui a donc écrit « De la certitude », un ouvrage non fini. Hein. Il a écrit le dernier paragraphe de 48 heures avant sa mort. Et en quoi c'est une rupture par rapport Alors, au deuxième ? Alors, c'est très différent parce que c'est, entre autres, un livre sur le doute et une réfutation du scepticisme. Puisque nos croyances les plus élémentaires sont ancrées dans notre forme de vie et qu'on ne peut pas du tout traiter nos croyances comme le font les sceptiques. Est-ce qu'on a raison de dire que Wittgenstein était dépressif ? Il a été dépressif jeune. Et il avait des crises de nerfs, des accès d'angoisse, il n'était pas le seul, hein, ses frères étaient pareils, et une de ses sœurs aussi. Donc c'était familial, ça venait de la mère essentiellement et du père. Il était très tourmenté avant la guerre de 14. Et on a l'impression que la guerre l'a recadré. La guerre qu'ils se rencontrent, écrit « Il n'était pas commode, il avait l'habitude de venir chez moi à minuit et de marcher pendant des heures de long en large comme un ours en cage. En arrivant, il annonçait qu'en sortant de chez moi, il se suiciderait. Aussi, malgré le sommeil qui me gagnait, je répugnais à les conduire. Lors d'une telle soirée, après une heure ou deux de silence de mort, je lui dis, Wittgenstein, est-ce à la logique que vous pensez ou à vos péchés ? Il me répondit, aux deux, et retomba dans le silence. C'est pas la grande forme, hein ? Non, bien sûr. Mais il avait, malgré tout, malgré cette angoisse, une très grande énergie qui ne demandait qu'à se déployer. Et en particulier, il lui fallait absolument converser avec quelqu'un. Quand il était un peu plus âgé, il prenait quelqu'un en otage, un collègue, un étudiant, et il marchait pendant des heures avec lui en discutant philosophie. Et les gens ressortaient absolument lessivés de ce genre de traitement. Il passe sa thèse en 1929 ? Voilà, sa thèse, c'est le Tractatus. C'est avant, hein, c'est en... Oui, en 29, vous en avez raison. En 1929, vous lis. Hein. Oui, oui, c'est tout à fait exact. Et Moore, qui... Je ne sais pas qui est Moore, c'est un logicien, je crois. Non, c'est un professeur de morale de Cambridge. Ah, et alors il écrit dans son rapport de thèse, « Mon avis personnel est que la thèse de M. Wittgenstein est une œuvre de génie, mais ceci mis à part, elle atteint certainement le niveau requis pour l'obtention du grade de docteur en philosophie de Cambridge. » Oui, c'est de l'humour anglais. Oui, oui, c'est de l'humour anglais, tout à fait. Et oui, oui. Est-ce que les membres du jury ont compris le Tractatus? Personne ne l'a compris. Il a été envoyé à Frege qui n'a rien compris. Russell a fait une préface qui était un contresens d'après Ludwig. Et bon, après, il a été mieux compris par un jeune mathématicien assez génial, lui aussi, Ramsey. Et qui malheureusement est mort très jeune, quelques années après la publication du Tractatus, auquel il avait participé, enfin il avait fait les contrôles sur les passages de logique, puisqu'il était mathématicien. Mais est-ce que vous seriez capable de dire en quoi consiste le Tractatus? En fait, c'est... Il y a la première phrase que tout le monde connaît, oui. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Oui, ça c'est la dernière phrase. La dernière phrase, c'est ce qu'on cite toujours. Ça résume l'ouvrage. Et donc en on a raison de dire que c'est un philosophe de l'indicible. Oui, tout à fait. Oui, oui. Je pense qu'il avait été influencé. Ça ne se sait pas bien, mais on est en train de le découvrir par la théologie négative et par un apôtre de la théologie négative qui était un penseur allemand du XVIe siècle, dont le pseudonyme était Angelus Silesius. Et il a été lu également par Valéry, et on trouve dans Valéry des choses qui ressemblent beaucoup à ce que Wittgenstein a pu écrire dans le Tractatus. C'est-à-dire, alors non pas la théologie négative, mais l'idée que le mystère n'existe pas. Le mystère est une chose, est un artefact de notre intellect, mais en réalité, l'au-delà, les valeurs morales, religieuses, etc., etc., ne sont pas liées à un mystère au sens religieux. C'est-à-dire que les problèmes que nous nous posons sont en réalité des faux problèmes. Oui, ce sont des faux problèmes. Qui pourraient se résoudre par une critique du langage. Oui, oui, tout à fait. Angelus Silesius avait écrit « La rose et sans pourquoi ». Et Valéry avait écrit « La nuque n'est pas un mystère pour le visage ». Il ne la voit pas. Mais pourtant, Paul Valéry est plus clair que... Ah oui, oui, oui, bien sûr. Valéry est beaucoup plus clair. Wittgenstein a peut-être plus de profondeur que Valéry dans cette espèce de refus de dire l'indicible. Alors on a parlé de Weininger qui a donc fasciné, oui. Wittgenstein, qui il semble qu'il y ait des ressemblances entre les deux. Oui. Par exemple, Cioran, j'ai trouvé une citation, dit que ce qui le fascinait chez Weininger, c'était l'exagération vertigineuse, l'infini dans la négation, l'intransigeance meurtrière, la quête d'une position absolue, la manie de conduire un raisonnement jusqu'au point où il se détruit lui-même et où il ruine l'édifice dont il fait partie. Ça ressemble un peu à Wittgenstein. C'est tout à fait le scénario du Tractatus. C'est-à-dire qu'il faut se défaire de ce qu'il appelle les crampes mentales que l'esprit fabrique tout seul. Voilà, l'esprit le fabrique à cause du langage. Et donc la philosophie doit être une lutte contre le langage et contre les faux problèmes que les images incrustées dans notre langage suscitent. Il faut donc guérir en quelque sorte de ces faux problèmes en analysant logiquement les propositions, en faisant une analyse ultime et qui fera se dissoudre les problèmes philosophiques d'eux-mêmes. Est-ce que ça marche ? Il ne l'a pas entièrement prouvé. Mais ça voudrait dire que l'objet de la philosophie, c'est la grammaire. Alors, c'est sa seconde philosophie. Il utilise non plus la logique, mais la grammaire, donc quelque chose de beaucoup plus souple comme instrument. La grammaire s'entend en deux façons. C'est la grammaire qui régit en profondeur notre langage, ça va devenir l'objet de la philosophie. Et puis, la grammaire, c'est aussi ce qui va permettre... la vraie grammaire du langage va être ce qu'il faut retrouver à travers l'analyse des propositions pour comprendre l'usage effectif, l'usage ordinaire, pour en revenir à l'usage ordinaire du langage, un usage qui ne soit pas vicié par des pseudo-questions philosophiques. Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut citer un exemple ? Non. Justement. Non, mais bon, pas d'exemple facile, mais bon, je ne sais pas. Il y a un exemple, c'est le néant. C'est un exemple qu'il donne quand il discute avec le Cercle de Vienne en 29-30-31. Le néant, ou une phrase comme le néant néantise, tirée de Heidegger, c'est une phrase qui repose sur de la mauvaise grammaire. Et donc tout ce qu'il y a de métaphysique dans cette phrase est complètement vide. Parce que on ne devrait pas substantiver le néant. Ni dire qu'il néantise. Le néant n'a pas d'activité, le néant de lui-même n'est rien. Donc la bonne grammaire va nous permettre de le voir et de nous débarrasser de tout questionnement sur le néant. Mais au passage, on se débarrasse de la question de l'origine de l'univers, qui doit être pensée comme le passage du néant à l'être. Oui, bien sûr, mais c'est une question qui n'a jamais tracassé Wittgenstein, le problème de l'origine. Et encore une fois, il dirait que tout comme la rose est sans mystère, l'origine du monde est sans mystère, nous nous en faisons un mystère, mais pas du tout. Il avait conscience, si je vous ai bien lu, de philosopher d'une façon très particulière. Oui, oui, oui. Et il avait la terreur du plagiat. Ah oui, ça c'était une obsession, parce qu'il a considéré que les membres du Cercle de Vienne l'avaient plagié, En le déformant. En le déformant, en l'abêtissant d'une certaine façon, et en particulier le pauvre Weismann, qui faisait partie du Cercle de Vienne, était chargé d'écrire un ouvrage sur les idées de Wittgenstein. Mais Wittgenstein était furieux parce qu'il trouvait que Weismann avait complètement aplati tout ce qu'il y avait de rugueux, justement, chez lui. Oui, mais ça, c'est pas du plagiat, c'est une mauvaise compréhension. Oui, ça, c'est la mauvaise compréhension. Mais, par exemple, Carnap ou Neurath ont été blâmés pour avoir pris ses idées. Donc, c'était assez pathologique chez lui, je dois dire. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'un de ses frères, j'ai oublié son prénom, qui a perdu un bras. Paul, pendant la Première Guerre mondiale. Et pour lui, Ravel a écrit le concerto pour la main gauche que nous allons écouter. Christiane Chauveri, c'est le concerto pour la main gauche de Ravel, écrit pour le frère de Wittgenstein qui s'appelait Paul, qui avait perdu un bras lors de la guerre de 14. Ça veut dire que Ravel était un ami de la famille ? Non, pas du tout. Paul Wittgenstein, qui était un grand excentrique, commandait à tous les grands musiciens de l'époque un concerto pour la main gauche ou une pièce pour la main gauche. Et donc, il y en a eu, je sais pas, 6 ou 7. Et celui avec Ravel est le seul qui soit resté célèbre. Mais ça s'est très mal passé avec Ravel. Paul lui faisait recommencer sans arrêt sa partition, disant que tantôt qu'il y avait trop de piano, qu'on n'entendait pas l'orchestre, tantôt qu'on entendait trop l'orchestre et pas le piano. Donc ça s'est mal passé, ils se sont brouillés, et Paul n'était pas un homme facile, comme Ludwig d'ailleurs, mais peut-être encore pire. Alors le rapport à la musique, justement, vous dites... Enfin, vous le citez plutôt, Wittgenstein, qui dit « La compréhension d'une phrase se rapproche beaucoup plus qu'il ne semblerait au premier abord de la compréhension d'un thème musical ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, il s'est beaucoup intéressé au thème de la compréhension d'une phrase musicale pour la comparer avec la compréhension d'une phrase du langage ordinaire. Et il est très influencé par un musicologue qui était un ami de la famille, Hans Lick, et qui était un musicologue anti-wagnérien, et pour lequel la musique n'exprimait rien d'autre chose qu'elle-même. Elle était autosuffisante, et donc comprendre une phrase musicale, ça n'est pas, par exemple, recevoir un déferlement d'émotions et les éprouver, mais c'est plutôt saisir des aspects pertinents dans la façon dont la pièce musicale est jouée. Et l'aspect, c'est quelque chose qui permet de voir comme une valse ou une fugue ou une marche, le morceau de musique. Alors quand ces aspects pertinents sont aperçus, la musique devient intelligible. Et provoque des émotions. Ah, alors les émotions, il y en a, mais elles sont seulement accompagnatrices et ne jouent pas dans la compréhension. La pure compréhension, elle est intellectuelle. Ça veut dire qu'il pensait qu'on devait dire la même chose du langage ? Alors, le langage, comprendre une phrase ordinaire, c'est beaucoup plus facile qu'une phrase musicale, parce que tout le monde comprend une phrase ordinaire s'il connaît la langue. Il comprend, alors que l'écoute musicale présuppose une culture, une éducation, une pratique de la musique, dans le meilleur des cas, une expertise, enfin quelque chose de ce qui soit au niveau musical de la famille Wittgenstein. Donc c'est une conception élitiste, effectivement. Mais lui-même était musicien, il a joué tout au long de sa vie. Oui, alors il avait appris le piano et le violon, et par la suite il a appris tout seul à jouer de la clarinette. Et il était capable de siffler des concertos entiers sans se tromper d'une seule note. Ce qui était un exploit assez, assez remarquable. Et quelle avait été sa formation philosophique ? Parce que dans ses écrits, il ne cite aucun grand philosophe. Si, Platon notamment. Platon, et ça c'est très autrichien, il cite Kierkegaard, Schopenhauer et Nietzsche. Mais très peu. Mais on sent que ça fait partie de l'équipement scolaire du lycéen autrichien. Et ça m'a été dit par des amis autrichiens qui avaient aussi ce sentiment. Donc c'est une formation scolaire basique, disons. Scolaire basique et pas mais du tout... Mais il ne passe pas son temps à lire les grands philosophes. Pas du tout. Simplement, j'ai déterminé dans un article paru il y a quelques années dans Critique qu'il avait probablement lu Dewey, le philosophe américain pragmatiste. Et on trouve des traces de pragmatisme dans sa seconde philosophie. Mais il était totalement en rupture avec l'histoire de la philosophie traditionnelle, comme par exemple on la pratique en France à l'université. Et en mathématiques, est-ce qu'il a une formation poussée ou c'est simplement la formation d'ingénieur classique ? Il a une formation d'ingénieur, mais il a étudié à la Technische Hochschule à Berlin, qui est un peu l'équivalent de polytechnique. Donc c'est la formation d'un polytechnicien. Donc il connaît très bien les mathématiques, mais il n'est pas du tout platonicien. Ah non, absolument pas. Contrairement à beaucoup de physiciens. Voilà. il est tout à fait en rupture avec le platonisme qui demeure encore aujourd'hui. Hein, quand on entend, par exemple, Alain Cohn, il est platonicien. Bon, hyper platonicien. Hyper platonicien, oui, oui. Et lui, au contraire... Il pense qu'on construit les mathématiques, elles ne sont pas déjà écrites quelque part. Voilà, elles ne sont pas écrites dans un ciel des idées platoniciens, mais nous construisons des connexions conceptuelles en mathématiques, et tout est le fait de la construction et pas du tout de l'analyse ou de la révélation d'un monde suprasensible. Alors j'ai trouvé une citation qui est dans ses carnets de Cambridge. Il écrit ceci, c'est une phrase que je trouve un peu étonnante et je voulais votre commentaire, Christiane Chauviré. Les étudiants les mieux disposés à l'étude de la philosophie sont aujourd'hui les étudiants en physique. Ah oui, oui, oui. Le flou manifeste qui règne dans leur science rend leur compréhension plus souple que celle des mathématiciens, tout embourbés dans une tradition sûre d'elle-même. Oui, oui, oui. Il égratignait souvent les mathématiciens. Mais qu'est-ce qu'il leur reprochait ? Il leur reprochait ce qu'il appelle la prose mathématique, c'est-à-dire l'idéologie qui enrobe les traités de mathématiques ou les découvertes mathématiques. Et en particulier, il était tout à fait opposé, ce qui nous paraît très bizarre aujourd'hui, à la théorie des ensembles. Dont Russell avait montré les paradoxes. Oui, montrer les paradoxes et chercher une solution en même temps. Mais Wittgenstein, alors là, on ne peut pas le suivre là-dessus, ça... Il y a un siècle, on pouvait peut-être dire ça, mais au bout de plus d'un siècle de théorie des ensembles, on considère que c'est une théorie bien enracinée, bien surmontée, etc., etc., même s'il y a des paradoxes et des solutions pour les paradoxes. On a l'impression qu'il n'avait pas une très grande confiance dans la science en général. En tout cas, pour résoudre les problèmes de la vie. Il y a deux choses. Pas pour résoudre les problèmes de la vie, vous avez entièrement raison. Il pensait qu'il fallait changer de vie pour résoudre les problèmes de la vie. Il n'était pas scientiste. Il a dénoncé le scientisme et la croyance au progrès comme menant à l'apocalypse, en s'inspirant de Krauss. Et cela, surtout dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, et on le comprend. Mais il avait quand même cette idée que la vraie connaissance de la réalité, ce n'est que la science qui peut la fournir. Donc il avait ce respect pour la science, simplement il ne fallait pas tomber dans une idolâtrie de la science. Oui, il écrit « Lors même que toutes les questions scientifiques possibles sont résolues, notre problème n'est pas encore abordé ». Notre problème, c'est-à-dire les problèmes de notre vie. Il faut changer de vie. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire changer de vie ? Alors, pour lui, ça voulait dire, par exemple, se dépouiller de son argent, se dépouiller de ses titres universitaires, partir en Russie, et soit être le médecin de paysans pauvres, soit enseigner dans une université. Et donc, il est parti en 35, je crois, mais là-bas, on l'a renvoyé à ses chères études. Et il a été mal accueilli parce que... Pas mal accueilli, mais accueilli avec méfiance. Et puis, quelqu'un qui arrive d'Angleterre, qui a l'air un peu fou, enfin, ça n'a pas plu aux soviétiques. Et ils lui ont expliqué qu'il était plus utile à Cambridge, là où il était. Donc, c'est pas si facile de changer de vie. Non. Alors là, il était très influencé par Tolstoï et par Dostoïevski. Et il pensait qu'il fallait... Il était très idéaliste sur les pauvres et la manière dont on pouvait les aider. Et c'est vrai qu'il attendait de ce changement de vie une espèce de conversion de type religieux ou de type simplement existentiel qui, au fond, le mette complètement au service des pauvres. Alors, l'idée qu'il avait des pauvres était totalement romanesque. Et quand il a été en contact avec les pauvres en question, c'est-à-dire quand il a été instituteur dans un village de montagne en Basse-Autriche, ben, ça s'est mal passé. Ou bien pendant la guerre en tant que soldat. Alors, pendant la guerre, il a été en contact avec des gens qui étaient tout à fait des prolétaires. Et il a été horrifié. Mais là, c'est parce qu'il avait été un peu... sous un globe, enfermé dans sa famille, avec une éducation raffinée, des bonnes manières, etc., etc. C'était la grande bourgeoisie. Et il se retrouve avec des prolétaires qui lui font faire la corvée de patates. Donc il a fallu qu'il s'habitue. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Si je comprends bien, il admettait que la science dit le disciple et que la philosophie tente de dire l'indicible, mais c'est toujours en vain. Voilà, c'est tout à fait une façon de résumer le Tractatus, et je crois que cette idée l'a accompagné toute sa vie, hein, même à travers sa seconde et sa troisième philosophie. Il dit aussi « toutes les données de la science ne suffisent pas à comprendre le sens du monde ». Oui, parce que le sens, c'est dans le Tractatus, en effet, le sens est au-delà du monde. Le sens, ce qui est transcendantal, les valeurs éthiques, religieuses, sont au-delà du monde. Et nous ne pouvons que donner du front contre un mur quand nous voulons énoncer des propositions éthiques, religieuses, etc., etc. Donc, il n'y a pas moyen de capter le sens du monde. On ne peut pas sortir du monde, en fait. On ne peut pas sortir du monde, ni du langage, surtout. Alors, ça, ce que vous dites là me permet de comprendre une phrase de Wittgenstein que j'ai toujours trouvée mystérieuse, pour le coup. C'est le sentiment des frontières du monde, voilà ce qui est mystique. Oui, c'est ça. C'est sa définition du mystique dans le Tractatus. Le mystique, c'est un neutre en allemand. C'est ce qui est au-delà. C'est l'au-delà, au fond. Et la tentative de sortir de la limite du langage pour accéder à des propositions éthiques et religieuses, cette tentative est absolument sans issue. On ne peut pas sortir du langage. Alors il y a aussi ces remarques, disons, sur la science en général, on vient d'en parler, mais je voulais avoir votre commentaire sur ce que Jacques Bouvresse précise à propos de la position de Wittgenstein. Il écrit ceci, « À tort ou à raison, Wittgenstein estime qu'aucun résultat scientifique ne doit avoir une incidence directe sur la philosophie considérée en tant que telle, bien qu'il puisse évidemment fournir indirectement à la philosophie une occasion nouvelle de s'exercer, et qu'inversement le but de la recherche philosophique ne doit pas être d'exploiter, de ratifier ou de censurer ce qui se passe dans les sciences, mais seulement de le comprendre et de le décrire correctement, ce qui peut déjà être en fait la chose la plus difficile qui soit. » Oui, il a entièrement raison, Bouvresse, bien sûr. C'est-à-dire fournir à la philosophie une occasion nouvelle de s'exercer. Tout à fait, tout à fait. Il dit ailleurs que la science sert de catalyseur à la philosophie. Donc les problèmes scientifiques et les solutions scientifiques peuvent apporter, disons, des objets nouveaux à la philosophie, mais la philosophie ne pourra faire qu'élucider le langage dans lequel la science s'énonce. Rien de plus, ce ne sont pas des faits scientifiques qui peuvent résoudre des questions philosophiques. Voilà. Christiane Chauvéry, nous sommes à la radio et je voulais avoir votre commentaire sur cette autre phrase qui me fascine de Wittgenstein. Il décrit ceci. « Si j'écoutais ce que dit ma bouche, je pourrais dire que quelqu'un d'autre parle par ma bouche. » Oui, ça c'est alors là, je vous entends au travers d'un casque. Quand moi-même je parle, je m'entends au travers d'un casque, donc j'ai l'impression qu'un autre que moi parle. Mais qu'est-ce que veut dire cette phrase dans son esprit? C'est un aphorisme un peu mystérieux, un peu provocateur. Ce qui veut dire est très simple. Notre corps, c'est notre corps qui parle. Et en particulier notre bouche. Mais à certains moments, alors nous avons une connaissance immédiate des sons qui sortent de notre bouche. Et en même temps, nous pouvons très bien, par une sorte d'expérience assez facile à faire, considérer que c'est un autre qui parle. C'est une expérience de la première personne en troisième personne. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup un rapport distancié avec ses propres paroles? Voilà, comme c'est le cas au cinéma par exemple. On a l'impression que ce sont les personnages de l'écran qui parlent. Ils remuent la bouche, mais en réalité, ce qu'on entend, ce n'est pas eux, évidemment, mais c'est la bande-son. Donc, on a l'impression qu'il y a des bouches qui parlent, mais en fait, c'est autre chose qui profère des sons, c'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est comme si nous fabriquions un cinéma de nous-mêmes? Oui, un peu. Je suis sans voix. Je propose qu'on écoute le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, c'est Brahms, on va y revenir après. Christiane Chauvéry, quel est ce morceau de Brahms que vous avez choisi ? Alors, c'est le concerto pour clarinette de Brahms qui a été joué dans le salon de musique des Wittgenstein à la fin du 19e siècle, hein, puisque Brahms est mort peut-être aux alentours de 1900. Et Ludwig aimait particulièrement ce morceau. Il le jouait avec sa clarinette. Et de toute façon, Brahms avait été un grand ami de la famille, de même que Clara Schumann et les enfants de Clara Schumann. Ils baignaient tous dans une atmosphère musicale et représentaient une sorte de clique qui était anti-wagnérienne. Alors, il y avait aussi une clique wagnérienne qui était menée par la femme de Wagner. Wagner était mort. Donc c'était un peu ça, les positions à Vienne. Bon, clique, c'est pas un terme très positif, plutôt péjoratif. Oui, c'est un peu péjoratif parce qu'ils étaient dans le dogmatisme, mais en même temps, voilà, enfin chacun avait un idéal musical différent. Alors, on vient de parler de la fascination de Wittgenstein pour les questions relatives au langage. J'imagine qu'il a dû s'intéresser à la psychanalyse. Oui, oui. Qui, alors, en partie, a le même objet. Absolument. Il baignait en quelque sorte dans la psychanalyse parce que sa sœur Margaret se faisait psychanalyser par Freud et qu'elle a d'ailleurs aidé par la suite à fuir en Angleterre avec son amie Marie Bonaparte. Elle racontait ses séances d'analyse à Wittgenstein. Et Wittgenstein lui racontait ses rêves pour savoir comment elle pouvait les interpréter à la manière de Freud. Mais il n'était pas spécialement convaincu. Non, pas du tout. C'est-à-dire, les pseudo-explications de Freud, justement parce qu'elles sont pleines d'esprit, ont rendu un mauvais service. N'importe quel âne dispose maintenant de ces images freudiennes pour expliquer avec leur aide des symptômes pathologiques. Oui, oui, ça c'est un peu dur, effectivement. Mais contrairement à ce que pense Jacques Bouvresse, hein, qui pense qu'il a réfuté Freud, je crois que c'est plutôt un sauvetage de Freud, dans la mesure où Ludwig établit que ce qu'a fait Freud, ce qu'il a cru faire, ça n'est pas de la science, mais c'est plutôt une sorte d'herméneutique des raisons. Alors le mot herméneutique n'est pas chez Wittgenstein, mais c'est un peu ce qu'on pourrait dire, c'est-à-dire qu'au fond, les récits de rêve, par exemple, peuvent être décryptés, non pas à l'aide de causes, mais à l'aide de raisons. Alors que Freud considérait qu'il faisait de la science, et il était lui-même scientiste et positiviste et tout à fait laïque et tout ça. Donc c'était un homme des Lumières. En même temps, Wittgenstein dit non, pas du tout. C'est une herméneutique des raisons, ce qu'il fait. Et c'est-à-dire qu'il amène le patient à découvrir les raisons de ses symptômes, à les formuler. Et dès lors, les affects mobilisés sont déchargés et la guérison peut survenir. Et Wittgenstein s'est-il intéressé à la question du temps ? Oui, oui. J'ai vu qu'il avait beaucoup étudié les travaux de Boltzmann, par exemple, voilà. À la fin du 19e. Voilà. Effectivement, il y a un livre sur la question d'un de mes anciens élèves, Denis Perrin, Wittgenstein et la question du temps, chez Vrin. Effectivement, enfin, je ne suis pas assez férue de... Mais il me semble qu'il a compris, avant beaucoup d'autres, quelque chose qui semait beaucoup la confusion dans ces années-là, c'est-à-dire que les équations de la physique sont réversibles en temps. Quand on change t en moins t, la variable temporelle, dans les équations, ça ne change pas les équations. Donc la physique laisse entendre que tous les phénomènes sont réversibles. Oui, oui. N'importe quel système peut retrouver dans le futur un état qu'il a connu dans le passé, mais ça n'autorise pas pour autant à penser que le temps est un sens d'écoulement qui soit arbitraire. Il écrit ceci: « Ce qu'on dit ordinairement sur le sens du temps et la loi de l'entropie revient à ceci que le temps changerait son sens » si les gens commençaient un jour à marcher à reculons. Si l'on veut, on peut appeler cela ainsi, mais il faut seulement, à ce moment-là, avoir les idées claires sur le fait qu'on ne dit par là rien de plus que les hommes ont changé le sens de leur marche. Donc on inverse les vitesses, mais pas le temps lui-même. D'accord. Effectivement, il a été très influencé aussi par Boltzmann, et il aurait voulu suivre ses cours à l'université de Vienne, mais Boltzmann s'est suicidé. Décidément. Il s'est suicidé en 1906. Voilà. Alors, quel est son rapport au progrès ? Il dit qu'il n'y a pas de progrès en philosophie, parce que le langage est toujours le même, et donc il charrie avec lui les mêmes problèmes sans qu'on sache les résoudre par le langage. Mais sur le progrès, disons, technique. Il admet tout à fait qu'il y a un progrès, mais son expérience, puisqu'il a vécu deux guerres et qu'il est le fils d'un roi de l'acier, c'est que la science et surtout la technique, ce sont des techniques meurtrières. Donc la science n'a apporté finalement aucun bien à l'humanité, même si on peut admirer ses réussites. Donc il croit à une sorte de déclin Oui, il est tout à fait dans la perspective du déclin. Et là, il est influencé par Spengler, qui avait écrit « Le déclin de l'Occident avant la guerre de 14 », qui n'a été, ce livre n'a été disponible qu'après la guerre. Les nazis, d'ailleurs, s'en sont emparés parce qu'ils pensaient que ça pouvait être de l'idéologie utile, qui leur était utile. Mais Spengler ne voulait pas entendre parler d'Hitler. Et donc, lui, Wittgenstein, il était tout à fait dans l'idée que, dans l'idée apocalyptique, au sens de Krauss, puisque c'est Krauss qui avait ces idées-là aussi, que l'humanité courait à sa perte et qu'il y avait une accélération due à la science et aux techniques meurtrières. L'esprit, écrit-il, de la civilisation européenne et américaine, dont l'industrie, l'architecture, la musique, le fascisme et le socialisme de notre temps sont l'expression, est étranger à l'auteur qui n'a point de sympathie pour lui. Oui, ça c'est ce qu'il écrit en 29-30. Il exprime son malaise vis-à-vis de la modernité. Vous savez, la modernité de l'après-guerre, de l'après-guerre de 14, avec des buildings qui sont... des buildings dans le genre du Bauhaus qui sont élevés de partout, à Vienne, en Allemagne... Les femmes se mettent à faire du sport, elles portent des jupes courtes. Enfin, tout ce qui est moderne dérange Wittgenstein. Il pense que ça n'est pas bon pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, s'il revenait? Je crois qu'il se serait suicidé pour de bon. Qu'est-ce qui l'aurait choqué le plus, à votre avis? Je pense que c'est l'état permanent de guerre dans lequel nous sommes, un peu partout sur la planète. Mais qui n'aurait pas surpris pour le coup? Non, pas surpris du tout. Il disait à ses étudiants, il prêchait auprès d'eux, disons, l'abstinence en matière de philosophie universitaire. Ah oui. Il leur conseillait de faire un métier manuel, ce qu'il appelait un vrai métier, plutôt que de mener une vie d'enterré vivant. Oui, il considérait que les gens de Cambridge avaient une vie d'enterré vivant. Et qu'il fallait faire un métier simple du genre être vendeur à Monoprix ou être garagiste ou ce genre de choses. Et certains de ses élèves ont essayé d'ailleurs, enfin, à leurs dépens. Et sinon, ils pensaient que ce qui était bien, c'était d'être médecin et de soigner les pauvres. Ça veut dire qu'il y a une sorte de lien pour lui entre l'action et la pensée? Oui. Oui, absolument. Il était extrêmement doué de ses mains. Il connaissait toutes sortes de pratiques, de techniques. C'était toujours lui qui réparait les choses qui tombaient en panne. Il avait inventé un système pour faire la vaisselle dans la baignoire. Dans la baignoire? Oui, bien avant que... Les lave-vaisselles. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut faire la vaisselle dans la baignoire? Ça peut m'intéresser. Et en projetant de l'eau... Avec la douche sur les assiettes, et la vaisselle était impeccable. Tout ce que faisait Wittgenstein de ses mains était impeccable. À 8 ans, il avait construit une machine à coudre. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était affecté à un laboratoire où il préparait des pommades. Et il paraît que les pommades de Wittgenstein étaient renommées dans le milieu parce que c'était les meilleures pommades qu'on avait jamais connues. Mais comment est-ce qu'il a été perçu par ses contemporains et qu'est-ce qui explique pourquoi il n'a été découvert qu'après sa mort ? Je pense qu'il y avait quand même des idées de lui qui circulaient. Il y avait deux sortes de polycopiés qu'il avait dictés à des élèves, le cahier bleu et le cahier brun, qui datent de 35-36, qui circulaient non seulement à Cambridge mais à Oxford. Et donc il a eu de la postérité, surtout à Oxford d'ailleurs, avec des gens comme Ryle, Austin, Elizabeth Anscombe, et beaucoup d'autres de ses anciens élèves. Mais est-ce qu'il avait un plaisir à écrire ? Parce qu'il écrit des milliers de pages. Oui, ça devait être une torture en même temps, parce qu'il était un peu comme Flaubert, il voulait écrire comme un grand écrivain, et il aurait voulu être Goethe, quelque part. Mais bon. Il écrit « Ce que j'écris est presque toujours un dialogue avec moi-même, des choses que je me dis entre quatre yeux. » Oui, c'est la solitude de l'écrivain, en face de sa page blanche. On a l'impression qu'il a été seul toute sa vie, non? Il a été très seul, oui, bien sûr. Il recherchait la solitude ou oui, il absolument. En a été victime? Il avait trouvé un refuge, une cabane en bois en Norvège, où il allait seul, ou avec des amis, mais plutôt seul. Et là, il écrivait dans la tranquillité absolue. Et comment est-ce que son entourage percevait cela? Comme un signe de folie ou... Non, enfin, dans sa famille, on considérait que c'était normal puisqu'ils étaient tous un peu bizarres et excentriques. Chez ses collègues, ça n'était pas mal perçu. Ils étaient habitués. Ils pensaient que Wittgenstein était un génie. Ils étaient tellement frappés par ce personnage qui était à la fois très très beau, qui pouvait être très bon, très généreux, en dépit de répliques souvent brutales. Par exemple, il était mal poli avec les femmes. Il était très, très misogyne. Bon, il avait des réactions parfois brutales, mais en dehors de ça, comme son frère Paul d'ailleurs, il était prêt à se défaire de tout son argent. Il a distribué la fortune héritée de son père. Oui, oui. Il l'a donné à des artistes méritants comme Trakl ou Rilke. Et il a donné le reste à ses frères et sœurs. Pour ne pas être corrompu par l'argent. Et quand il a eu des relations avec les enfants, puisqu'il était instituteur en Norvège, avec des méthodes pédagogiques, j'imagine, particulières, est-ce que ça s'est bien passé? Alors, ça s'est mal passé, mais au total... alors, il y avait des châtiments corporels à l'époque. C'était monnaie courante. Mais lui a été spécialement... il a eu la main un peu lourde. D'où des incidents qui ont fait que, finalement, il a cessé son métier d'instituteur. En même temps, il avait été un instituteur merveilleux. Il faisait des leçons de choses absolument merveilleuses pour ses enfants déshérités des montagnes autrichiennes qui marchaient pieds nus. Enfin, vraiment, il les a emmenés à Vienne. Il leur a fait visiter... des musées, écouter des concerts, etc., etc. Donc, à l'époque où il y avait encore de ses anciens élèves, ils en parlaient, les larmes dans la voix. Mais pourtant, il a eu une sorte de procès, je crois. Oui, il y a eu un procès. Institué par des parents d'élèves. Un procès de parents d'élèves une élève avait été un peu secouée par Wittgenstein. Et bon, il lui avait fait saigner une oreille. Il a été obligé de partir. Cela dit, je dirais que dans la famille Wittgenstein, il y avait de la violence. Le père, qui était une sorte de mania surpuissant... Autodidacte et très, très, très autoritaire. Il avait l'habitude de soulever ses enfants par les oreilles. Et jusqu'à ce qu'ils se mettent à crier. Donc, c'était une famille avec de la violence, des crises de nerfs, des conflits. Donc, il faut savoir ça. Christian Chauviré, on associe souvent Wittgenstein à la philosophie dite analytique, par opposition à la philosophie continentale. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il en a été un précurseur, ou est-ce que c'est une assimilation abusive? C'est un des pères fondateurs avec Frege et Russell. Ils sont trois à avoir mis en selle la philosophie analytique. Mais la philosophie analytique de cette époque, début XXe siècle, c'était surtout une philosophie du langage qui s'appuyait sur la nouvelle logique. La logique de Frege. Et là, on a eu des grands auteurs comme Carnap, comme Quine. Et puis, la philosophie analytique a pris un autre tour aux États-Unis, puis en France. Elle n'était plus philosophie du langage, elle n'était plus logico-philosophique, mais elle s'inspirait des sciences cognitives à partir des années 70 aux États-Unis, des années 90 en France, 80-90. Et là, il y a une rupture complète avec Wittgenstein, parce qu'au fond, Wittgenstein est perçu non plus tellement comme un des pères fondateurs, mais quelqu'un qui est resté un peu dans l'essayisme littéraire, alors que la philosophie analytique se veut purement argumentative. Je vous remercie, Christiane Jauviré, d'être venu nous parler de ce génie, on peut le dire, qui était Wittgenstein, qui était dépressif, il l'a été en tout cas une certaine période de sa vie, mais il avait aussi de l'humour. Il écrit dans son carnet un jour « Rentrant chez moi, je m'attendais à une surprise, mais il n'y avait pas de surprise à mon intention, aussi bien entendu, et j'étais surpris. » C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Cédric Châtelus, et à la réalisation Thomas Jost.